de Claudia Pina à la 52e minute, 7-0. Et pour finir, doublé de Mariona à la 51e minute. Qui, champion de la Coupe de la Reine, 8-0. Ils ont écrasé la Real Sociedad 8-0. Champion de la Coupe de, c'est comme nous, chez les hommes, Copa d'Espagne et Coupe du Roi, eux, Coupe de la Reine. Au stade Romareda, à stade Saragosse. Score final 8-0. Par la Real Sociedad féminine. 8-0. Et le 7-0. Voilà. Les deux derniers matchs auront lieu ce dimanche par le Real Betis ballon pied féminin à 20h30 sur la chaîne DAZN sur MyCanal. Et dernier match pour FC Barcelone. Bon, je crois qu'ils sont champions. Ils ont gagné presque tous les matchs et des matchs nuls. Par Valence, dimanche 16 juin à midi. Ce sera tout. Merci Jason. Merci Jason. Annoncer ce beau match. Le Barça féminin, champion d'Espagne, Coupe de la Reine, et a remporté comme l'année dernière, la saison 2022-2023 et cette année 2023-2024, la Ligue des Champions. Encore eux, ils sont aucun point faible par rapport à le seul point faible à l'équipe du Barça masculin, c'est la défense. Ils sont impressionnants. Jason, es-tu au John maintenant? Ils doivent se préparer pour le début de saison. Ils doivent se préparer pour les matchs d'intersaison et pour le prochain Euro en 2025. Je sais pas où ce sera, mais allez l'Espagne féminine pour essayer de gagner la coupe de pas se faire éliminer au premier tour. Et tu penses, attends, j'ai juste une question. Tu penses que les hommes, c'est l'équipe d'hommes et l'équipe de femmes, c'est quoi les plus forts du Barça? Ouais. Le problème avec le Barça, c'est que là, pour une fois, ils ont réussi à atteindre les quarts de finale. Oui. Ils ont été humiliés par là où il y avait Messi encore, en 2020, le 8-2 du Bayern. Ah oui. Et là avec le Real Madrid qui va avoir Mbappé, tout ça. Je crois ils vont leur réserver un accueil, mais je crois pas que ce sera doux. Un accueil très sévère. Oui. Un accueil pour certains joueurs. Et notamment pour Vinicius qui porte le numéro 7 et que Mbappé porte le numéro 10 avec l'équipe de France et le numéro 7 avec je pense Vinicius, il va pas trop apprécier de sa place de titulaire. Tu penses qu'il va pas être content? Ouais. Il va pas être content. Mais peut-être ils vont jouer tous les deux. Oui, mais s'il porte le numéro 7, pour l'instant, au début, je ne sais pas quel numéro ils vont lui accorder. À ton avis, qui va garder le 7? Est-ce que Mbappé? Vinicius. Et Mbappé, tu l'imagines à quel numéro? Je pense que Vinicius va pas être content du chiffre. Il n'a qu'à mettre un autre 7 à côté. Le chiffre est encore une surprise. Mais là, normalement, il était censé pas faire. Il devait faire signer 6 ans au Real, je sais pas. Et normalement, il n'était pas censé être à Paris. Et pourtant, il devait aller au Real. Mais là, peut-être il va mettre les 60. Là, le mercato va être sévère. Enfin, il y aura de nouveaux joueurs au Real. Non, côté Barça. Bon, Lamine Yamal, il va rester. Mais est-ce que Robert Lewandowski va rester? Ça, on ne sait pas. Tu penses qu'il va y avoir beaucoup de changements alors dans l'équipe? Ouais. Oui. La Pologne est à l'Euro, mais pour Erling Haaland, pas d'euros. Ils ont, ils sont, ils, pour la, la Norvège, il faudra attendre la Ligue des Nations qui commence en septembre. La 4, ce sera la 4e édition de la Ligue des Nations masculine. Et aussi, la première édition de la Ligue des Nations féminine a été remportée par l'Espagne, l'Aurora, championne du monde en titre. Et tu vas aussi, pour cet été, tu vas nous reporter un peu les Jeux Olympiques ou pas ? Oui. Hein ? L'Euro aussi. L'Euro, je verrai la moitié de l'Euro en maison de repos. Ah oui. Mais tu vas être de retour pour les Jeux Olympiques ou pas ? Bah sinon, c'est pas grave, oui, tu nous appelles. Oui, je serai là. Tu nous appelles ? Je serai sorti avant mi-juillet. Sinon, tu nous appelles ou tu te connectes sur le site d'Epinode, là, je te donne l'adresse, et tu peux nous envoyer un chat sur le... Et si tu n'es pas connecté sur Radio Metanuia, j'appellerai la clinique Villebra et je leur dis de me passer Martin parce que ça ne marche pas, l'appel de la Radio Metanuia. Ouais, voilà. Des fois, ça marche. Si ça ne marche pas, tu appelles l'accueil, il me passe un téléphone. Ouais, j'appelle l'accueil. Donc voilà, tu as trois possibilités. Le numéro de la radio... Si je ne suis pas trop occupé. L'accueil ou... Et puis toi aussi la télépathie, tu m'envoies des messages télépathiques. Wow. Et sinon, tu... Je montrerai des matchs de l'Euro avec mon ordi, avec d'autres personnes qu'on va avoir des matchs dans une salle de télé là. Bah super, comme ça tu te prépares, tu vas nous apporter les Jeux Olympiques, on aura besoin de toi, même si tu es aux maisons de repos. Non, les Jeux Olympiques, c'est le 26 juillet. Je serai déjà là pour... Ah d'accord. Les Jeux Olympiques, ça commence le 26 juillet. Bon, ok, d'accord. Donc, on t'attend avec ferveur. Et là, on a... Oui, les Jeux Olympiques, je regarderai à la maison. Je regarderai... Enfin, si je suis encore là-bas, j'attends encore la réponse. Et ouais. Là, ça commence le 26 juillet au 11 août. Ok. Donc, on t'aura à nouveau ici. Bon, on va donner la parole à notre astrologue Jean-François Ossiane, qui est là à nouveau parmi nous. Et un peu plus tard, je vais raconter comment je me suis entraîné sur la Ligue des Champions... Oui. Et en mieux. Tu reprends, voilà. Regarde déjà. Maintenant, champion d'Espagne, passer. Ligue des Champions. Ils ont un sacré palmarès. Je vais chercher un stylo masculin. Pour l'astrologue pendant que Jason y parle un peu. Champion d'Espagne, Coupe de la Reine, Ligue des Champions féminine, un sacré palmarès du côté du FC Barcelone féminin. Première division, bien sûr. L'équipe première. Voilà, Jason, c'est notre chroniqueur de sport. Et pour Xavi, a disputé, a gagné Fermin, buteur. J'avais déjà dit ce match, je crois. Bon, c'est pas grave, tu le reprends après. Mais le dernier match, c'est de la 38e journée. Fermin a marqué et puis a salué Xavi. Qui disputait son dernier match sur le banc du FC Barcelone. Bon, alors maintenant, je vais demander à un nouveau de la radio qui vient ici depuis quelques temps, qui va être certainement vice-président du Cultural de Villebra, qui m'en placera, et ce sera bien. Patrice, qui va me demander ce qu'il va penser du. Patrice, tu m'écoutes ? Oui, moi t'entends. Bon. Oui, on t'entend bien. Tu m'écoutes et tu me donnes ça. Tu passes du présent au passé à l'avenir. Ton but dans la vie que tu veux. Un truc que tu as un but dans la vie et tu me donnes 5 chiffres de 1 à 22, mais pas les mêmes. Eh bien, je voulais vous annoncer la création prochaine de Radio Bled. Une radio pour parler de tout ce qui nous tient à cœur. Des terres, de la nature, de ce que chacun a un petit bled dans son cœur. Et c'est une radio qui va se déplacer à la campagne et qui va recevoir et faire revivre tout l'amour de la nature que les uns et les autres ont. C'est important, ça. Peux-tu me donner 5 cibles ? T'as un but, ce but, pense-y, en passant du présent au passé à l'avenir, et tu me donnes 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes. De 1 à 22, il ne faut pas que ça dépasse 22. Pas les mêmes. 1 à 22, pas les mêmes. 15. 15. 12. 12. 18. 18. 3. 3. 20. Bon. Bon, dans ta vie, il y a des liens qui se... Il y a des liens coupés au niveau rapport. C'est normal. C'est à la nuit. C'est pas ouvert. C'est, ça s'est étouffé. Des liens charnels. Ça s'est étouffé. T'es pendu... Ça te crée... pas des soucis, mais de l'inquiétude. C'est tout. T'es pendu à ça. Voilà. 18, tu me ressens encore. 18, c'est un chiffre, c'est toujours à la nuit. C'est pas dévoilé. Ça, c'est pas ça pas éclore. C'est pas quelque chose qui est ouvert, qui est ouvert comme comme un bouton d'or qui s'ouvre en plein jour. Il est fermé, là. C'est fermé avec ton ami. Actuellement. Avec impératrice, d'ailleurs. Et tu me sors encore ça, dis donc. Et tout est à la nuit, t'as mis tout à la nuit, là. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. C'est pas grave, on va débloquer ça, de toute façon. 8 et 5, 13, 21, 3, 3. T'as quand même beaucoup d'amour. T'as une sensibilité, ta sensibilité, mais elle est très cachée. Tu caches beaucoup de choses. Tu caches trop de choses, d'ailleurs. Faudrait que tu t'exprimes autrement, d'une autre manière. Pas au niveau expression, pas. Mais tu n'es pas coincé. Tu es une personne simplement qui a vécu du passé. Et maintenant, on revit un nouvel air, tu vois. Un nouvel air astral. Donc, il faut plus t'ouvrir. Plus t'attaquer aux gens. C'est bien d'être dans son coin, mais il faut plus t'ouvrir un peu plus. C'est tout. 20, tu crées un jugement sur tout, tu juges tout en ce moment, alors là, t'es en plein jugement. Tu te remets en question de fond en comble dans tout ce que tu fais. C'est pas vrai? Tu te remets en question tout ce que tu crées un jugement sur tout là. C'est, le 20, c'est le jugement là. Tu juges ta partenaire, tu juges ton amant charnel, tes soucis que tu as pour tes projets, t'es pendu à ça, au jugement, tu remets en question pas mal de choses, n'est-ce pas? C'est peut-être ta parole qui enferme. Le problème, c'est de faire et de vivre, qui n'est pas facile. Oui, c'est voilà. Pas facile, c'est et vrai. Et me projeter sur des projets est aujourd'hui un peu... Difficile. C'est un peu les derniers pas vers une dernière course. La dernière course, mais c'est la plus dure, je pense. Parce que c'est à la nuit encore, c'est pas encore ouvert, c'est un projet. Ah, il faut, oui. Bon. Il faut être. Voilà. 15, 20, 12, 3. 15, 20, 12, 3. 15, 20, 3, 12, 20, 12, 18. 3, 11, 12, 13, 18, encore. 2, 3, 4. 14. On dit, faut mettre deux, ça mettra du temps. Tu nous perds avec tes chiffres. Ça mettra du temps. Non, mais c'est. Non. Faut pas se. Ça mettra du temps. Non, on va emmener la radio avec Martin, on va faire des choses. Voilà. Pourquoi pas? Voilà, on va partir en voiture. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tout est faisable. Voilà. Tout est possible. Tout est possible, voilà. Rien n'est impossible dans la vie. Il suffit d'aller de l'avant et un peu débloquer un peu de soi-même, quoi. C'est dur, c'est vrai. Moi, j'avoue que. Il y a une journée, là, et pas plus tard qu'hier, j'ai pleuré comme une madeleine, j'ai touché le fond, puis j'ai remonté. C'est la vie. Bon, parfois, il y en a, je me suis dit, est-ce que j'ai remonté? Puis le lendemain, ça a été mieux. Mais je pense que ça mettra du temps, tout ça. Parce que c'est pas encore ouvert. La flamme ne s'est pas encore ouverte. Enfin, tes projets, c'est des projets fermés, qui sont là, dans le point. Maintenant, il suffit d'ouvrir le point pour que ça... Tu vois, mais le projet, c'est vous, c'est ici. Oui, c'est ici, mais voilà. C'est aussi un ensemble. C'est un ensemble, mais faut-il le communiquer aux autres d'une autre manière? Faut le communiquer par la radio, faut communiquer par verbe, par relation. Et je pense que ça peut marcher. C'est pas un truc. Ton projet, vraiment, tu tiens à cœur le plus possible, c'est quoi? Dis-moi. Ton projet le plus petit qui te tient à cœur. Allez, dis-le. Dis-le. Ben dis-le. Ton projet qui te tient le plus à cœur en ce moment. T'as un projet. C'est de partager le bonheur avec le plus de gens possible. Et que tu sois en harmonie avec les autres. Pardon ? Et que tu sois en harmonie avec les autres. Tu te sens bien, à l'aise avec ce que tu donnes et ce que tu reçois. Voilà. C'est un échange, un partage. De faire, voilà. Faire des lieux partagés. Voilà, c'est ça, c'est un partage. Ben, c'est très bien ça. C'est un beau projet. Hein. Faut continuer comme ça, hein, Patrice. Hein ? On compte sur toi. D'ailleurs, tous les patients comptent sur toi. Hein. On va faire en sorte que ça tourne, ce projet. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un monsieur comme ça, qui a une générosité énorme, qui n'y arrive pas. Tout le monde peut y arriver avec un peu de volonté. Il suffit d'avoir un peu de soutien, un peu de... mettre épaulé, puis hop, ça va partir. C'est sûr que ça va marcher, ton truc. Mais ça mettra du temps. Il faut mettre de l'eau dans le vin aussi, au niveau caractère. Voilà, c'est tout. Ton signe astrologique, c'est quoi ? Gémeaux. Ah, très bon signe, je m'entends bien avec les Gémeaux. Tiens, au même coup, t'es du Gémeaux. Ah, j'ai une entente parfaite avec les Gémeaux. Bélier Gémeaux, ça s'entend bien. Bon. Voilà. Bon, bah, l'idée, c'est quand même de venir à la campagne, un petit peu. Venir à la campagne, oui. Tous, les jeunes, les clubs. Ouais. Et la radio, peut-être. Ben, pourquoi pas la radio ? Petite radio. Il faut peut-être même commencer par la radio. C'est pas inintéressant. Je pense que par la radio, en commençant par la radio, en diffusant un peu partout hein, la radio, ça peut ramener du monde. Encore faut-il trouver des gens qui aiment parler, qui sachent exprimer. Ah bah, tu peux compter sur moi. Moi j'ai un grand bagou. Allez, pour nous Patrice, je te remercie. Cette voyance astrale numérologique a été positive. Pour l'instant, c'est à la nuit, mais ça va être éclore. Il suffit de trouver le monde nécessaire. Écoutez, auditeurs, venez tous nous soutenir parce qu'on a besoin de vous. Merci. Oui, voilà. Merci Jean-François pour cette astrologie astrale. Vous pouvez toujours nous appeler au 06 58 49 01 01 pour avoir un rendez-vous avec notre astrologue digital, astral, qui aujourd'hui il est particulièrement inspiré. Et voilà, on va revenir dans un certain moment. À tout à l'heure sur Metanoia. On est sur Peanut. On est mercredi. Deixa com a boca torcida, cheque mate, o molejo que é sensual, é fatal. Distraído, me seduz com essa alma de bandido. Crer que é dono e eu corro o perigo. Só que de mim você não vai escapar quando eu começar. Rebolar, rebolar, rebolar sem parar. Rebolar, rebolar, arrasalar a barbariba. Poquito a poquito, encendiame. Poquito a poquito. Para, como se não miraras e notaras. Te deixa com a boca torcida, cheque mate, el molejo que é sensual, é fatal. Distraído, me seduce com essa arma de bandido. Crees que é dueño e eu corro peligro. Pero de mim não vas a escapar quando vai já começar. Rebolar, rebolar, yeah. Rebolar sem parar. Rebolar, rebolar, arrasar a bariba. Poquito a poquito, encende-me. Alas, my love, you did me wrong to cast me out discourteously. For I have loved you so long, delighting in your very company. Vas-y, Jean-François, si tu es là. Now if you intend to show me disdain, don't you know it all the more enraptures me? For even so I still remain your lover in captivity. On est à l'écoute. Quand tu en reprends, vous pouvez nous appeler au 06 58 49 01 01. 06 58 49 01 01. Vous auriez en direct notre astrologue, le métanoïaque. C'est gratuit. I sang my songs, I told my lies, to lie between your matchless thighs. And ain't it fine, ain't it wild, to finally end our exercise? Then I saw you naked in the early dawn. Comme ça, tu oh, I hoped you would be someone new. I reached for you, but you were gone. So, lady, I'm going to. Oh, c'est trop fort. Je baisse le casque. Attends, je peux baisser. C'est mieux là? Ouais. Ok. On est là sur Métanoïa. On va baisser un peu le volume du son parce qu'on a notre astrologue qui va reprendre sa lecture. Bonjour Isabelle. Voilà, voilà. Isabelle? Bonjour Isabelle. Isabelle? Bonjour. De la radio Métanoïa. Voilà. Isabelle, t'as des projets dans la vie? La retraite. La retraite. Ah, moi, j'y suis. Ah, mais je continue quand même. Bon. Est-ce que tu as un peu à faire ou tu souhaites quelque chose ou tu désires savoir quelque chose ou être plus précis dans ce que tu veux faire ou tu as... Enfin, je ne sais pas, dans un voyage ou n'importe quoi. Non, mais par contre, depuis le mois de janvier, je suis pratiquement malade une semaine par mois. Si ce n'est pas les crises de sinusite, c'est le nez bouché, c'est peut-être le pollen. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu plein de merde. Pratiquement une semaine, j'ai dit tous les mois, mais c'est... Ouais, ça ne va pas, quoi. Ouais, écoute, je me fais vieille. Tu penses à la santé. J'ai très mal au dos, en plus, alors qu'avant, j'avais pas mal au dos. Toujours courbé. J'étais secrétaire aussi. Ça fait quoi J'étais même plus dans la capacité de conduire il y a quelque temps, quoi. Ah bon? Ah ouais, franchement, un super mal au dos. Non, c'est moi, vrai que t'as les yeux vitreux. Je me dis que c'est la vieillesse, quoi. Ça y est, c'est parti. Ah oui, t'as pas un coup de blues, je suis en plein déclin. Un coup de calgon? Si, un peu, ouais. Ça arrive. Moi aussi, à 65 ans, j'ai pris un coup de calgon, mais à l'envers. Bon, allez, on y va. Tu me disais quelque chose que tu désires ou quelque chose que tu rêves ou quelque chose que tu souhaites? Je viens de te dire, je veux récupérer ma santé. Bon, alors, tu me donnes 5 chiffres de 1 à 22, tu penses fortement à ça. À ta santé, à ta bonne santé. Et tu me donnes. Pas les mêmes. 5 chiffres de 1 à 22, mais pas les mêmes. 3. 7. 6. 1. Il en manque un, c'est ça? Encore un. C'est le plat principal. C'est le principal? Ouais. C'est la bonne. Je pensais à 33. Non, jusqu'à 22. Ah oui, mais je l'ai dit le 6, parce que sinon on aurait pu additionner. 3, 1, 7 et... Il n'y a pas le 6, s'il y est. 3, 1, 7 et le dernier. Oh, allons-y pour le 4. Le 4. T'as un homme dans ta vie. Hein? T'as un homme dans ta vie. Ça peut te faire. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah bah, en tout cas, c'est sorti. Bon, et t'es impératrice là, t'es... 5, 7, sagesse. Au niveau boulot, c'est, ça va, tranquille quand même. Il y a du boulot, mais ça va. Non, le boulot, c'est tranquille. C'est tranquille, hein, ça se voit. Bah, depuis que je m'occupe plus des gardes, depuis que je m'occupe plus de Jean Verdier... Il y a une certaine justice. Une certaine justice qui se fait au niveau de ton boulot, c'est que tu auras toujours un peu d'argent, mais il y a de l'argent en jeu. Oui, tout à fait. Bon, je ne me trompe pas. Oui, parce que je pourrais me mettre à la retraite, sauf que voilà, j'ai encore envie d'avoir un peu de sous. T'as raison, si tu seras quelque chose, t'en serves jusqu'au bout. Hein. Ben oui. Hein. On nous explique, ouais, ouais. D'accord. On y va jusqu'au bout, on pédale. Ben bon. Voilà. Oh, je me donne encore deux ans. Il va avoir une rupture de quelque chose entre l'argent. Tu vas transformer, tu vas trouver quelque chose. Ton amour personnel que tu as en toi va se transformer. Il y a quelque chose qui va bientôt se transformer en toi. Une transformation. Il va avoir une transformation. En bien ou en mal? Bah, c'est qu'en bien. Hein. C'est une transformation positive. D'accord. C'est amoureuse. En plus, il y a un homme tout près qui... Et puis, ça apporte l'argent. La roue de la fortune à côté. Vraiment? Oui, la roue de la fortune. Il nous dit, c'est la roue de la fortune. Ah, j'ai joué au loto hier. 7 ans encore l'argent avec toi et cet homme. 9, tu te trouves tout seul devant toi, en tant que tout seul, parce que t'es quand même... T'es... C'est qu'est-ce préserve, hein. Fais attention quand même, tu peux te faire rouler une ou deux fois déjà. Hein. Oh, c'est oui. Ça. Alors tu t'es là, tu ne peux pas prendre le jeu. Bon, je comprends ça. Bon. Non, il y a un autre, mais ça, c'est un autre dans le travail. Ça doit être M. Serra, ça. Ouais. C'est pas la première fois qu'il me le dit. T'as beaucoup de volonté. Hein. Bah là, bon, en tout cas, là depuis le mois de janvier, je t'as beaucoup de volonté parce que décliner. Tu vois ta fatigue là, elle n'est pas sortie. Ça risque de changer, ça risque de changer. C'est parce que tu n'es pas, tu ne t'es pas encore trouvé intérieurement. Intérieurement, tu ne t'es pas trouvé, ma vieille. Et c'est pour ça, bah, je pense que tu ne t'es pas encore trouvé. Depuis toi que tu travailles dans le service, tu as vu beaucoup de gens pourtant qui nous routardent. Hein. Tu es une routarde du métier psychiatrique. Hein. J'ai fêté mes 41 ans de psy. 41 ans de psy, tu ne m'as pas invité au pot. Alors, c'est pas sympa, ça. 41 bon. Ans de psy. 2 ans de Robert Ballanger. Oui, ah bah je ça fait 43 ans que je bosse. Oui, oui. Et j'ai fêté mes 41 ans le 1er juin de Villebrard. Là, je fais le calcul de tout. On va voir si c'est positif au final pour ta santé. Hein. Surtout pas. Mais tu as l'air d'être en harmonie dans tout ce que tu fais en ce moment. Ouais. Quand même. T'arrives à tenir la route. Tu vois pas ouais, le contraire. Jusqu'à tu quand tu tiens la route. Bon. Attends, je fais le calcul. Hein. Oui. Tu retrouveras ta santé. 21, c'est le monde. C'est-à-dire que tu vas côtoyer de monde. Et c'est toutes ces chaleurs de gens que tu vas côtoyer, ça va être des gens que positifs. Mais c'est toujours au domaine de la communication. Et quand tu auras trouvé les bonnes personnes de la communication, tu vas retrouver un aura autre. Donc, ta santé, c'est dû à l'aura. C'est dû à ce que tu dégages déjà sur toi. Je vois ton aura est sombre. Mais personnellement, ça va te changer. Tu vas voir, il y aura l'amour du monde. Tu verras, il y a beaucoup de gens qui vont venir vers toi. Et quand tu retrouveras la santé grâce à ça, à la communication, il ne faut pas t'enfermer. Au contraire, il faut t'ouvrir. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir, madame. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, ça va revenir. Hein. C'est le monde. Hein. Le monde, c'est-à-dire la réussite de ta santé. Merci, au revoir. Super, merci beaucoup. Au revoir. C'est l'astrologie digitale astrale de Jean-François Océane. Vous pouvez toujours nous joindre au 06 58 49 01 01. 06 58 49 01 01. On est en direct sur Pinode. Trust in me. Crois en moi. Succeed and the Banties. Et un thème de livre de la jungle d'ailleurs. Hein. Le serpent qui perd le moulin. Croyez en moi. Croyez en vous. Shut your eyes. Cancer. Donc tu as beaucoup de sensibilité. Non, un mois c'est mon anniversaire. C'est anniversaire aujourd'hui? Non, un mois. Deuxièmement, on va fêter ça. Bientôt. On va rapporter du pain, je sais pas quoi, on va rapporter quelque chose. Pour la secrétaire là, on va fêter ça. Cancer, je sais pas son ascendant, il faut le calculer. J'ai pas lequel... Je l'ai, c'est Balance. Ah, tu es une artisan là? J'essaye, mais je foire tout. Oui, mais foirer et artiste dans l'âme, c'est pas foirer tout. Et artiste dans l'âme, c'est que tu arrives à créer des choses, même si ça marche pas. Ah, mais si tu savais. Oui, mais, hey. J'adore créer. Et alors, il faut créer. Mais je foire tout. Et alors, parce que tu vas peut-être pas jusqu'au bout. Même la cuisine, je sais pas la faire. Mais je suis nul. Tu sais faire cuire un seul plat, comment qu'on fait? Oui, ça je sais. Comment qu'on fait? Tu mets ta poêle, t'attends que le beurre il fonde et puis tu mets ton œuf. Ouais. On fait ce qu'on peut avec. Dernièrement, j'ai fait un tagine. Ah, ça c'est bon. Citron confit et olive confit. Ah bon? Je l'ai super bien réussi. J'étais étonnée de moi. Bah, la preuve. Et j'ai fait quelques jours, le week-end d'après, j'ai fait des vraies pâtes au pistou, mais fait maison le pistou. Le pistou, c'est de la soupe. Non, c'est des pâtes avec une sauce. Le pistou, c'est du basilic. Hein. Ah d'accord. Ouais. Basilic, ail, c'est pas la cuisine, etc. Je connais pas. Et ben voilà, c'était pas terrible. Non, je suis nulle. Non, il faut pas dire que t'es nulle. Elle sera belle, ça. Je la connais, là, Isabelle. Négative dans la tête. C'est ça qui te manque, la positivité change tout s'il te plaît dans ta tête Isabelle. Tu verras que si le matin il pleut, j'en suis sûr qu'Isabelle elle dit ça, il pleut j'ai pas le moral. Et ben non, quand il pleut tu mets le soleil dans la tête et puis il pleut mais il va faire beau quand même. Hein. On part bosser, allez Dieu. Terminé. Moi je pars comme ça, sinon on ne termine pas. Ouais. Bon. Une joie de vivre encore ça, hein, positivité, une joie, comment tu appelles ça, la joie? Déjà, moi, je suis quelqu'un qui, quand je veux quelque chose, je me pose une suggestion dans ma tête. Je veux ça, et quand je me suis posé la suggestion dans ma tête, je vais jusqu'au bout, jusqu'à temps que j'y arrive. Quand j'y suis arrivé, je passe à autre chose, je continue sur une certaine longue, tant que ça m'apporte. Ouais. Après, je passe à autre chose parce qu'il faut que j'évolue comme tout le monde. Moi, j'aime bien évoluer, échanger avec les gens. Moi, je trouve ça agréable. Il y a même des gens qui sont très mal dans leur peau. Je suis avec eux, je me vais très mal. Parfois, même je reçois des charges négatives, mais je dis, même si je ne m'aime pas, je l'aime quand même parce qu'il n'en est pour rien, lui. Peut-être qu'il ne vivra pas à la même longueur d'onde que moi. C'est tout. Oui. On est à différentes fréquences. Oui, différentes fréquences différents degrés. Ouais, voilà. Différents degrés, différentes fréquences. Oui, voilà. Différentes longueurs d'onde. Ah oui. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu nous écris, Patrick, là? Patrick, il va nous parler, là. Il prépare un texte. Tu caches quelque chose, Patrice? Je veux savoir. Faut prendre micro. Un micro, Patrick. Allez. Voilà. Micro, Patrice, il y en a un. Et tu peux prendre un casque si tu veux t'entendre mieux. N'aie pas peur, Patrice, casque, voilà, micro. C'est organisé pour une fois qu'on fait ça au casque, sinon c'est toujours le cacophonie. Mais bon, on va aller. Est-ce que tu t'entends? Alors parle, voir si ça marche ton micro. Allô? Attends, oui. Sois pas timide, Patrice. Si. Attends, ouais, c'est bon. Allô? Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Moi, j'aime beaucoup ma voix, hein, comme ça, avec le casque. C'est vrai le que casque, ça porte. Mieux. Ouais. Non, mais sérieux. Ça change, ouais. Ah ouais, ça change, mais j'adore la voix comme ça. Ouais, c'est pas clair. Vous dites, t'as une voix très féminine quand même, hein. T'es pas... Je suis pas un mec. Non, mais enfin, hey, tu peux avoir la voix plus grave, hein. Quand tu te mets en colère, je t'ai déjà vu, hein. Ah bon? Oui, oh bah, tu m'as déjà envoyé chier, hein, je me rappelle. Il hein. Bah, y a des années je te connais, on s'est bien marré, mais quand on avait marre de moi, tu n'avais pas peur de m'envoyer péter. Bon, ben bah, alors, c'est comme ça, c'est la vie, oh. Et puis on s'en fout. La vie continue quand même, on avance. Voilà. Bon, alors Patrice, qu'est-ce que tu nous écrivais là? Tu avais un projet là? Non, je pensais. Oui, j'avais des pensées pour des amis qui étaient. Qui a été soignée avant, que j'ai aidé. Eh bien, voilà. Bonne pensée. Marine, qui est à Sainte-Anne, Carole, à Péribocluse, Astrid, Sophia, et d'autres. Ah, oui. Les amoureuses, les femmes. Oh, des amoureux. Oh, t'as été amoureux dans ta vie. Voilà. En amour, t'as vu des du succès. Des parcours. Du succès, hein. Voilà. En amour, t'as eu beaucoup de succès. Non, c'est des gens que j'ai aimés qui avaient des difficultés un peu dans tous les hôpitaux. Voilà. C'est quelqu'un de très humble. Hein. Et je pense que voilà, je pense à elle, je pense à Marine qui nous a quittés, Carole, Astrid. Voilà, c'est des personnes qui sont toujours là avec moi. Oui. Et j'aimerais qu'on fasse une grande fête, qu'on trouve un lieu comme ça où effectivement on s'amuse. Oui, bien sûr. Puis, de joie, un lieu de bonne joie, pensée, de bonheur. De bonne pensée, de bonheur, oui. La ferme du bonheur. La ferme du bonheur. Bah tiens, la ferme du bonheur, on va l'appeler. Voilà. La ferme du bonheur, c'est une idée, ça. Oui, c'est la ferme d'appeler du bonheur, ta ferme, la ferme du bonheur. Ben voilà, on a trouvé le titre, ça y est. La ferme du bonheur. À Orbey-la-Ville. Ouais. Et voilà, et belle la vie. Hein. Ça existe déjà, la ferme du bonheur. Hein. C'est un lieu. Oui. Ah, moi, je trouve que c'est beau, là, il l'a dit. Hein. Oui, mais non, ça existe mais déjà, un lieu qui s'appelle comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, ça existe à court. Ça existe déjà. Ben, on peut. On peut appeler ça autrement, mais c'est la ferme du bonheur. La ferme de la joie. De la joie, oui. Calme ta joie. Non, mais c'est notre sujet de l'année, hein, la joie. On va faire un colloque sur la clinique de la joie. On va voir nos amis brésiliens qui vont venir. Ah, l'année prochaine, 2025, quoi. Et nous, on a envie d'y aller justement pour le carnaval en février 2025. Alors, on peut appeler ça le bled du bonheur. Le bled, ah, oui, le bled du bonheur, bah, ça marche. Le bled du bonheur, voilà. Ça fonctionne. Truc. Amis auditeurs, téléphonez-nous. J'attends toujours un éditeur qui me téléphone que je fasse quand même l'astrologie. Bah, je m'ennuie là, sans client là. En plus, c'est gratuit, profitez-en, c'est gratuit. Bah, je sais pas, moi je sauterai dessus. Hein. Ça coûte 500 balles la consultation, bah, merci. Hein. Ça coûte un peu cher. Allez, hop, ceux qui font un vrai métier, vraiment c'est prenant, mais il faut avoir toutes les cartes Bélin, cartes Marseille. Cartes normales, les cartes aussi normandes, et puis bien d'autres. Plus l'encre, plus le blé, plus les feuilles, plus pas mal de choses encore. Le sable, mais il y a beaucoup de choses à voir dans la voyance. Il y a beaucoup de choses et il y a des gens qui voient dans ça. Voilà. Et j'avoue que pendant 5 ans, j'ai vécu avec quelqu'un qui faisait des thèmes par mois et c'était agréable. C'était quelqu'un de très agréable, très jovial et tout ça, très gentil. Et Omeinko, Jean-Claude Limery, que je ne vois plus, que j'espère qu'il m'entend d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup, c'était mon beau. Bonjour, comment il s'appelle? Omeinko. Omeinko. C'est ton maître en astrologie, celui? Oui. Ouais. Bah, donc, merci. Ça a été mon protecteur, en tout cas. Bah, voilà, hein, c'est bien hein, d'être quelqu'un qui te soutienne comme ça pour les projets, pour quand tu commences, non? Mais je penserai toujours à cet homme, c'est lui qui m'a revu beaucoup de situations. Ouais. Il a revu beaucoup de gens. Bah super. Donc ouais. Patrice, tu as envie de monter un lieu comme ça pour aider les gens qui sont un peu dérivés de la psychiatrie, un peu, pas seulement, mais déjà nous là. Exactement, avec les, bon, que ce soit le club et les jeunes qui sont autour. Alors, ouais. Oui, il y a les jeunes, oui. Le club, c'est les perles du secteur. Et oui, il y a les clubs, c'est vaste. C'est un collier de perles autour. Jean-François, il était président des deux gems, là, il a démissionné récemment. Non, c'est-à-dire, J'avais 6 mois de mandat en tant que présidente pour relever une situation inextricable, pour relever le GEM de Bobigny. Je l'ai relevé, j'estime que je dois me retirer, parce que quand on est président, on a à charge les gens plus leur boulot. Il faut gérer tout ça. Donc c'est pas évident, parce que les sons de cloche, c'est nous qui les avons, on a tout contre nous. Je comprends que le président de la République, il n'a pas bonne réputation. Moi non plus, j'en ai pas une bonne, mais je m'en fous. Et puis j'ai quitté avec bonne humeur et je suis heureux. Mais je continue dans le GEM comme j'aimeur, comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, c'est un nom collégial. Et continuons comme ça. Bondy c'est pareil, Saint-Denis c'est pareil, Pernay, Épinay, il y a Montreuil, il y a encore... Oh là, il y en a bien d'autres, il y en a plein de GEM. Le groupe d'entraide mutuelle, allez-y, c'est des aides humanitaires. Merci. Oui, et tu peux parler un peu plus de ton projet. Attends, Isabelle, tu voulais dire quoi? Je voulais savoir quel était votre métier. Est-ce que vous étiez dans la partie psy? J'ai accompagné justement toutes ces personnes depuis, que ce soit ma cousine, ma femme, mon amante, mon fils, ma sœur, mes amis étaient tous souvent un peu en difficulté, donc je passais 30 ans ou 40 ans de ma vie dans les hôpitaux à accompagner, souvent à l'extérieur d'ailleurs, en tant qu'aidant plutôt rejeté enfin, par les soignants en général. Mais justement, je vous ai posé la question tout à l'heure si vous étiez aidant. Ben oui. Et ben j'ai le souvenir que vous m'aviez dit non. Non. Genre, on s'est mal entendu peut-être. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ben je comprends mieux dans ces cas-là. Oui, oui. Enfin, donc ça, c'est mon parcours. Non, vous m'avez répondu. Non, je suis sûr que vous m'avez dit non et vous m'avez répondu je suis bénévole. Un aidant est bénévole, bon, en général. Ouais. Mais un aidant a quand même, j'ai envie de dire, plus de connaissances qu'un... Enfin, ça dépend. Je sais pas. Ça, c'est pour répondre par rapport à... Mm-hmm. À la connaissance un petit peu du... Oui, du milieu. Du milieu, voilà. Il n'y a pas un hôpital à Paris que je ne connaisse pas. Mais sinon, à l'origine, vous avez quoi comme métier? Au début, j'ai fait de l'informatique. Après, des start-up. Et après, j'ai fait du maraîchage. Ah oui, d'accord. Et après le maraîchage, j'ai voulu partager le maraîchage, qui était une façon de se ressourcer avec d'autres personnes. L'idée, c'est que ça n'a pas un intérêt pour soi particulièrement. C'est bien. C'est beaucoup de boulot. C'est un travail de reconstruction de soi qui peut se partager avec d'autres. Ouais. Et c'est mon intention à la campagne. D'accord. De redonner un petit peu de goût de la nature, du sens des choses pratiques, couper le bois, chauffer, voilà. Entretenir un lieu. Les bases. Mais de façon collective, de préférence comme un woofing. C'est les bases. Et après, éventuellement, si on produit un potager, si on a une ferme collective, on peut avoir une production. Laquelle production peut rentrer dans l'économie d'un club ou d'une AMAP. Donc vous avez le côté... réinsertion par la retour au travail, vous avez le côté économique avec un petit peu, mais ça c'est un projet ambitieux, c'est-à-dire qu'il faut aller régulièrement à la campagne, tous les mercredis par exemple. Pour ça fait partie des soins, la nature. Regardez, moi j'ai des lapins chez moi, c'est terrible, les lapins ils m'ont tout bousillé. Non, mais je m'en fous, moi je me suis retrouvé là-dedans parce que c'était un soin pour moi. Quand j'ai eu des lapins, je me suis senti revivre autre chose. Ils ont un sixième sens, c'est bête, c'est terrible. C'est comme le médium. Ils sentent tout et tu plantes quelque chose, ils te trouvent. Tu as toujours combien de lapins tu as encore? J'en ai au moins 15. Mais tu l'as à mon œil, tu l'avais 60, un truc comme ça. Non, pas 60 dans ton appartement, mais j'en ai donné parce que ça fait quand même des petites toutes les 3 semaines. Hein. Ça tire. Hein. Le mâle, il tire tout. Hein. il est comme ça, Slim. Swing. Swing est comme ça et. Salsa, ça swing quoi. Il y a swing et salsa. Et c'est la fête à la maison. Et Jean-François, tu sais combien de temps ils vivent, tes lapins? T'en as déjà eu des morts de VIS ou pas? Non, ça vit 12 ans maximum. Maximum. Ah ouais, ok. D'accord. Je ne vais pas les garder, j'en donne. J'en donne aux enfants parce qu'un lapin, le plus bel ami de l'homme, c'est le cheval. Après, c'est le chien. après c'est le chat, et après le lapin. Et c'est prouvé. Le lapin, il n'y a rien de tel. Quand vous sentez mal, il s'en va. Quand vous sentez bien, il approche. Donc quand vous libérez de mauvaises toxines, bah, il se mord, le lapin. C'est tout. Il le sent, il sent que vous êtes mal, et bah, il va dans son coin. Voilà. Ouais. C'est un soin, vraiment, je me suis fait un soin. Personnellement, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher en pognon, mais je voulais m'en sortir. Et j'avoue que ça m'a, comme j'aimais les bêtes, ça m'a donné de l'affection. Le soin affectif, je l'ai eu. Ouais, les animaux, ils apportent beaucoup d'affect. Ouais. Et j'ai même, on m'a offert une tourterelle, mais tous les matins, elle me fait coucou le matin, tous les soirs, coucou le soir. C'est la joie, tu vois. C'est la ménagerie chez moi. Ça va changer quand même. Hein. Je change d'appartement bientôt. Donc je vais prendre deux lapins, j'en ai castré une. Le mâle, je vais le castrer. Puis je vais garder la tourterelle, deux, ça suffit. Parce que quand on a des petits, c'est par 8 ou par 9 ou par 10. Ah oui, top. Oui, ça te bouge. Il faut que tu fasses un petit film. Ça te bouffe tout le papier, tout, les murs et tout. On va aller à la radio, on va mettre des micros partout. Et les lapins, je suis sûr qu'ils parlent entre eux. Ça, on fait rien. Mais en plus, les deux mâles, il y a deux mâles, c'est terrible. La nuit, j'ai beau dormir. Mais ils se courent après tout le temps, ils se bouffent. Hein. Ah oui. Deux femelles, ça se mange et ça se met en guerre, et deux mâles aussi. Ok. Ça ne s'entend pas. Bon, et Jason, tu voulais parler de quelque chose là, tu reviens là, une autre chose sur le sport, tu reviens d'où là? Tu as pris le jet, le Concorde, tu es arrivé rapidement d'ici, hein, dans 10 minutes de retour. Tu parlais de quoi là? La finale avec les champions masculins. La finale de quoi? La finale avec les champions entre Dortmund et Real. Oui, vas-y. Même score que qu'a fait Barça, 2-0. Ouais. Ça s'est déroulé au Stade Wembley après. Ouais. Après le sacre de l'Inter en 2010. Ah ouais. Cool. Très serré. Vas-y. Dortmund a. Le gardien était battu. Ouais. Sur un tir, ouais. Et là, le tir est passé à côté. Ah et oui. 0-0 à la mi-temps, rien à l'heure de jeu. Ok. Dani Carvajal ouvre le score à la 74e minute, peut-être le but du titre. Et le joueur à surveiller, c'était Vinicius. Oui. Et dur pour Jude Bellingham, n'a pas réussi à marquer contre ses anciens adversaires. Ouais. Ça, il aurait dû s'attendre. Et Vinicius a marqué à la 83e minute. Bah, c'est vrai que c'est Vinicius et Mbappé et tout ensemble. Ça va être, ça... Ouais, ça, la place de titulaire risque d'être. Ouais, ouais. Il va avoir un accueil très serré, très sévère. Ok. Et après, le chiffre pour Mbappé, là, c'est. Tu veux chanter un peu? Le chiffre pour Mbappé, ça va être dur parce que ouais. Numéro 7, Vinicius. Et le numéro 10, Luka Modric. Et Luka Modric, il fait quoi? C'est le capitaine de la Croatie. Le capitaine de la Croatie. Ouais. Ok. Bon, c'est super. Et tu as une autre chose à dire sur la coupe, non? Hein? Tu as une autre chose à ajouter ou pas? Bah... Le Barça a monté a gagné au match aller en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Et au retour, le Paris Saint-Germain a réussi à gagner. Ouais. Okay. Je me dis que si Barcelone, ça aurait pu être Barça-Real la finale. Ah oui. Sortez bien là. Bon. Ça serait bien, mais. On est bien tenu retour, hein. Ouais. Et puis le Barça atteint la demi-finale. Là, ils ont réussi à atteindre. Micro. Ils ont réussi à atteindre le quart de finale. On espère les voir en demi-finale, puis la finale et gagner la Ligue des Champions. Ce serait bien pour le prochain entraîneur à l'intersaison. راني كولي زاد عليا الهم والحمادية. كين دير نشوف راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس المضويات يا ماما ويا ماما شاطرة غي في الخرجات حواس المضويات يا فاطمة بتنجر غرينغو كي arrive et veut nous dire quelque chose à toute la planète là. Vas-y Gringo, t'écoute. J'entends la musique. Ouais, mais tu peux parler au micro là. Dès que tu parles au micro, je baisse la musique. Non, mais il faut éteindre complètement, s'il te plaît, ce que j'entends. Vas-y, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous dire que un petit peu, je suis stressé en France en ce moment parce que Macron, il fout la merde. Parce que vu comment j'ai vu sur TikTok, fin de compte, il a envoyé l'armée des gens en Russie. À tout le peuple de français, faites gaffe à vous quand même, parce qu'il fout la merde depuis qu'il est président. Et c'est dommage que vous avez voté pour lui, c'est le diable en personne, fin de compte. Et je suis vraiment goûté, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes enfants et pour toute l'humanité qui est ici. Fin de compte, je viens de voir sur TikTok ça, il y a des gens qui ont montré ça, et je suis choqué parce que Poutine, il risque de passer à la barrière et avec l'armée, il fout la merde en France. Et... c'est lui, il s'en mêle pour les Ukrainiens que nous, on ne veut pas la guerre. J'aime pas la guerre, j'aime pas la violence. Fin de compte, ce monde-là, franchement, ça part en couille. J'aime pas ça, quoi, fin de compte. Et j'ai vraiment mal pour les gens qui vont souffrir dans quelques temps ici en France. Et faites gaffe à vous, à toute la population et à toute la France, quoi. Parce que j'ai de la peine pour toutes les humanités, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les orthodoxes, pour tout le monde qui est à l'humanité ici. Ça me fait vraiment de la peine. Mais fin de compte, maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne qui a montré sur TikTok, il a bien parlé Poutine. Et j'ai bien vu l'armée qui est française, qui sont partis là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils donnent des milliards directement à l'Ukraine. C'est pas ça, je n'en veux pas qu'il aide les Ukrainiens, mais il y a beaucoup de Français aussi qui sont en faillite à cause de ça. Ça me fait vraiment de la peine. Il y a des gens, des purs Français qui sont d'or. Le Pen, elle est officielle chez moi, même Macron, elle est officielle chez moi, lui aussi, et même Le Pen. Elle ne veut pas la guerre, elle, fin de compte, et c'est dommage qu'on n'a pas voté pour elle. Même si elle est un peu pas bien avec les étrangers, au moins elle n'aurait pas fait la guerre mondiale. Vous avez voté pour un diable. Et de toute manière, je crois bien que c'est lui qui va faire la fin du monde. Alors faites gaffe à vous. Prenez soin de vos enfants, de votre famille, de vos femmes, de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes, de vos cousins, et de votre mère, de votre père. Et je vous laisse et je vous... Ça me fait vraiment de la peine parce que la France, elle n'était pas comme ça. Depuis qu'il est président, il déconne trop. Il déconne trop. Mais vous en faites pas, il y a Dieu qui le voit en haut. Parce qu'il pourra... on verra qu'est-ce qu'il va dire devant Dieu quand il va être devant lui. Parce que tous les péchés qu'il fait, il va payer devant Dieu. Je ne souhaite le mal à personne, ni à lui. Mais le monde part en couille parce qu'il n'est pas avec Dieu. Dans ce monde-là, on n'est pas avec Dieu, je vous préviens d'avance. Le monde, il part en couille. On est chez le mal ici. Vous voyez bien les guerres, vous voyez bien à cause des sous, qu'est-ce qui se passe sur Terre. Il n'y a que des péchés. Même des petits de 14 ans maintenant, ils vendent en France parce qu'ils n'ont pas de travail qu'avant, c'était pas comme ça. J'en veux pas les clandestins qui travaillent aussi, mais qui étaient aussi des Français. Parce que la population, il part en couille en France. Et ça fait vraiment de la peine pour toute l'humanité qui est ici, quoi. Et je vous laisse, et je vous souhaite bonne journée, et faites gaffe à vous quand même. Au revoir et bonne journée. Merci Gringo pour tes beaux. Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão, amiga. É agora, segura minha mão. Vas-y, on a 4 minutes avant qu'on On est 4 minutes de la fin, 3 minutes de la fin. On est sur... Vas-y, prends un micro, Jean-François. On est sur Pineux. Allô. Voilà, voilà. Gringo va nous faire un live, un freestyle comme ça, en direct, sur les ondes. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, je vais vous chanter une musique. Vous pouvez aller sur mon TikTok, même sur mon Facebook. Je commence à me faire connaître gravement dans quelques temps, là. Mon oncle, il est connu mondialement. C'est lui qui fait toutes les musiques de Tupac, de Biggie, de Snoop Dobby Dogg et les nouvelles musiques de Tupac. Il est connu mondialement, en fin de compte. Peut-être vous l'avez déjà vu. Il y a plusieurs musiques de Eminem. Il y a plusieurs... même Kuchen, il a pris quelques musiques dans le temps de lui, quoi. Attends. On est à 2 minutes, là. Vas-y, Gringo, parce qu'on va bientôt finir, là. On a 2 minutes pour toi. Pensalo, pa' este mundo no está digente, pa' señor. Canadícame, hermano Shah, muchina pepe, casueto, calla. Menastívame, tengi di ma, o sueto, y pa' un cuy, catare lo ve, bujene, quiere na, bilashimos. Udame señor, udame señor, que este mundo no está pa señor, pa señor. Por eso yo lloro, van mirando gente, mucho sufrelo. Faut pas tenter le mal, faut prier à Dieu, tous les jours qui vient. Depuis petit, que j'en pense, la population part en couille à cause des sous, ça me plaît pas, j'ai mal pour la population, pour tous les Français. Quand je vois à cause des sous les péchés qu'ils font, ça part en couille, le monde part en couille, car on n'est pas dans le monde de Dieu, on est dans le diable. Quand je pense à cause des sous, des enfants de 14 ans vendent pour avoir des sous, car le président nous laisse en couille avec sa guerre qui reste pour lui. J'ai mal pour eux, car je pense l'humanité, si ce serait avec Dieu, ce serait mieux. Depuis ta naissance, y a Dieu dans toi. Faut pas tenter le mal, car le mal va te prendre. C'est pour ça, il faut prier à Dieu. À se mettre à genoux, quand je pense aussi. On a sacrifié le Christ, alors qu'est-ce qu'on peut faire des êtres humains? Pesalo, lloralo yo también, pa' mi hijo, que no le miralo, por eso, me estresalo, lloralo, pa' mi vida yo, que no puedo le mirar, corazón se rompelo, por eso, me estresalo, yo quiero decir, hijo, mi 4 hijos, que no puedo le mirar, me estresa lo. Et encore, c'est la moitié. Bravo, Ringo. J'ai payé les droits et là, c'est ça. Au revoir, les Métanoïacs. Merci à d'avance. La fin prochaine. C'est la fin. Ouais. Je note. Allô, alors Métanoïa vous dit bonsoir après cette merveilleuse chanson qu'on a entendue d'un certain chanteur. Comment vous appelez en tant que chanteur? Gringo. Ringo qui nous chante une chanson de son pays qui est... C'est lui qui l'a inventé. Oui, mais c'est de toi. Pour la France, pour le malheur du peuple, Métanoïa vous dit bonsoir et reposez-vous bien après cette merveilleuse leçon.